y a toi et moi dans la lumière. On goûte à l'infini. Il y a toi et moi seul dans la pêche. Toi. Allez, Radio Arc-en-Ciel 96.2. Nous avons tout de suite au téléphone avec nous les chanteurs, chanteurs et chanteuses. Pam et Stan. Bonjour, Pam et Stan. Bonjour Sébastien. Bonjour les auditeurs. Et bienvenue chez nous. Alors, nous sommes avec Émilie et Patrick. Alors, Pam et Stan, c'est pas vos prénoms, c'est votre nom de scène. C'est des diminutifs ? Non, pas du tout. En fait, on a toujours été, artistes avec des noms, nos prénoms de naissance, en fait, hein, depuis des années. Et puis, pour des raisons vraiment artistiques et professionnelles, donc dues à la sortie de cet album, en décembre 2016, on a dû donc trouver des prénoms qui sonnent beaucoup mieux. Alors, c'est vrai qu'on pourrait croire, hein, Pam, Pamela, Stanislas. Mais non. D'accord. Alors, comment vous êtes venu à vous rencontrer? Comment est-ce que vous êtes venu dans la musique? Parce que c'est aussi une rencontre de plus d'une quinzaine d'années de passion, de musique, d'amour. Enfin, tout est lié entre vous. Hein. Donc, tout tourne autour de la musique. Vous avez commencé assez jeune? On s'est rencontrés il y a 17 ans. Nous nous sommes rencontrés en discothèque, déjà dans un lieu musical. Et tout de suite, on a commencé à chanter. Enfin, moi, j'ai toujours chanté, toujours aimé la musique, une passionnée de musique. Et on a commencé à chanter comme ça, en duo. Et ça a pris tout de suite lors d'une animation d'un mariage. Et on a continué. Et aujourd'hui, bah, voilà, on en fait notre métier. On est intermittents du spectacle tous les deux. Et on vit musique, on mange musique, on dort musique, on est tout le temps dans la musique, voilà. Alors la musique, essentiellement française, reprise, la composition, faut qu'on en sache un petit peu plus. Ben en fait, on a démarré par des reprises comme la plupart des artistes. Hein. On a démarré par interpréter des reprises de chansons françaises, un petit peu d'international, un petit peu d'anglais. Mais bon, ceci dit, voilà, ça reste minime. On va dire que notre répertoire de reprises est à 95% français, oui. Essentiellement français, beaucoup basé sur des duos, également des duos assez romantiques, assez glamour, un peu à notre image. Et voilà. Et après, on a dévié donc avec cet album qu'on a décidé de sortir en décembre. Mais on interprète toujours des reprises, hein, dans l'événementiel, dans les soirées privées, publiques, les concerts, etc. Ça nous arrive également bien évidemment d'interpréter toujours des reprises. Mais il est important pour nous aussi de glisser dans ces spectacles nos compositions, bien évidemment. Oui. Voilà. Moi, je crois que ce que je propose, c'est qu'on va s'écouter tout de suite Swing sur Arc-en-Ciel. Cha-cha, c'est oulala. Chiquita, c'est la swinga. Suis le conga. Oublie la lambada. Tu danses et ça ira. Lève les deux bras en l'air. Ressens le tempo. Tourne la tête à droite. C'est parti, oulala. Tu étouffes la gada. Faut te motiver. Ne pas abandonner. Rester concentré. Tu dois te démarquer. Swinga, swinga, c'est oulala. Tu oublies le cha-cha et la polka. Chiquita, c'est la swinga. Ce n'est pas la bachata. Même si t'aimes la salsa, tu danses pour le gotha. Dis-moi, quel est ton secret? Quel est ton secret? Dis-nous, oh là là. La musique anime ton corps. Tes pieds devant son accord. Ton pied pas dangereux, ce mot. Oh oh oh, derrière, un pied après l'autre, en gardant le rythme, sans réfléchir, tu prends la place, la danse t'envahit, le beat te fait surface, vas-y lâche-toi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, wow, wow, wow. Chiquita, c'est la swinga, pas de rumba, de java, tu oublies le cha-cha, c'est oulala, chiquita c'est la swinga, suis le conga, oublie la lambada, tu danses. danser, ça ira. Tu quittes assez la swinga, swinga c'est oulala. Tu oublies le cha-cha et la polka. Tu quittes assez la swinga, ce n'est pas la bachata. Même si t'aimes la salsa, tu danses pour le gotha. Tu sens cette énergie. Ah oui, on sent toute l'énergie avec eux dans cette belle musique. Il s'agit de Pam et Stan. Alors Pam et Stan, après des dizaines et des dizaines de concerts, par-ci par-là, des petits galas, des petits casinos, où est-ce qu'on peut vous retrouver en concert dans les prochaines dates? Le 26 mai, nous serons à l'Édito, un café-restaurant, pour un concert, lounge. Le 10 juin, certainement dans le Doubs, voilà, c'est pas encore confirmé. Nous serons certainement dans le Doubs à Héry-Moncourt pour un gala, pour une association, quelques kilomètres à faire. Oui, oui. Le 21 juin, donc la fête de la musique à Saint-Quentin. Là où nous habitons, notre domicile. D'accord. Et le 24 juin. Voilà, c'est un grand moment pour vous le 24 juin. Vous allez faire la première partie du collectif Métissé, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, je termine par ça. Voilà, le 24 juin, c'est la première partie du collectif Métissé à Guise dans le 02. Oui. La suite de Belles Aventures. Hein. Je sais, la suite de Belles Aventures, puisque vous avez eu la chance il y a peu de faire également la première partie de Fabienne Thibault. Oui, c'est ça. On a fait Fabienne Thibault il y a quelques semaines. Un super moment en fait dans un lieu vraiment très très intimiste. C'était une ferme auberge et on a interprété en première partie quelques titres, 5-6 titres comme ça, et d'ailleurs c'était une personne vraiment charmante à découvrir et à rencontrer. On a passé un excellent moment vraiment en s'accompagnant. J'imagine. Et le 24 juin, donc, ça sera sans doute un excellent moment aussi, première partie du collectif Métissé, ça sera... Oui. Alors là, voilà, ça sera différent. Collectif Métissé, il y aura également Sabine Paturel, Caroline Loeb, Une Popise également, un petit groupe de... Ça sera à Guise, ce jour-là. À Guise, oui, c'est ça, dans le 02. Oui. On attend quand même quelques milliers de spectateurs, hein, comme tous les ans, à cette fête de la musique. Oui. On en est ravis. C'est un super moment. Et puis donc, il faut répéter, le nouvel album, le premier album, Toi et Moi, c'est un album 6 titres, c'est ça, qui est sorti? Oui, c'est un album 6 titres. On a mis relativement du temps à le sortir. On a pris vraiment notre temps. On n'a pas voulu faire n'importe quoi. On a mis un an quand même pour enregistrer cet album, ce qui est pas mal quand même pour un 6 titres. Mais bon, on a collaboré avec des personnes de qualité. On a voulu vraiment faire cet album, créer cet album avec et s'entourer des meilleures personnes qu'on a notamment dénichées sur Paris, en région parisienne, notamment Michel Leclerc. Michel Leclerc qui est un compositeur vraiment de très très grande qualité, qui a notamment collaboré dans sa jeunesse avec Gigi Goldman, Pascal Obispo, etc. Donc voilà, il y a dans cet album quelques titres, à part Swinga, il y a quelques titres qui sonnent un peu à la Goldman, et c'est important pour nous. Voilà, il a cette patte et c'est important. On a également collaboré avec une coach vocale qui s'appelle Betty Logan, d'ailleurs on les embrasse tous, s'ils nous écoutent, et une auteure, Séverine Cogliosi, formidable auteur, quand on écoute vraiment quand on se plonge dans le texte de ces chansons, c'est notre vie, c'est notre histoire, on a voulu quelque chose sur mesure. Tous ces titres, ces 6 titres sont vraiment sur mesure, bon, sauf Swinga qui est un titre un peu plus décalé, dynamique, plus loufoque, mais les autres titres sont vraiment, c'est vraiment notre vie. Il y a même également un titre qui s'intitule « Tu es mon fils », dédié à notre fils, qui nous entoure également, qui fait beaucoup de choses pour nous. Toi, tu es le beau-père. Oui, qui est... en fait, moi, je suis le beau-papa. Et le papa de cœur. On a voulu lui dédier une chanson, puisque c'est une chanson qui peut s'adresser à toutes les familles recomposées. C'est un symbole pour nous. Elle s'appelle « Tu es mon fils ». Le titre, c'est « Tu es mon fils ». Voilà, c'est dédié à Antoine. Sur YouTube, c'est notre fille qui a réalisé ce clip. Vous tapez sur YouTube « Pam et Stan ». Et donc il y a un clip très décalé, à visionner sur YouTube. Swinga, Pam et Stan. C'est lui qui nous l'a concocté. En fait, il est, pour la petite histoire, il est au cours Florent, il fait des études au cours Florent à Paris. Et il adore tout ce qui est montage, réalisation de clips, de films. D'accord. Et on s'est dit, pourquoi aller chercher loin ce qu'on a tout près. Donc on lui a demandé. Il a accepté, parce qu'il a très peu de temps. avait très très peu de temps devant lui. Ouais. Et il a accepté de nous faire ce clip. Voilà. Et d'ailleurs, un deuxième clip est en préparation pour certainement cet été sur un autre titre de cet album. Donc on en est ravis. C'est quelqu'un qui est cher à nos yeux. Et pour le peu, c'est notre fils. Donc, ah bah oui, c'est normal. Donc on le rappelle, Pam et Stan, donc avec le petit clip Swinga qu'on peut retrouver sur YouTube. Vous avez un petit site internet où on peut retrouver toute l'actualité, une page Facebook? Alors on a une page Facebook, hein, donc Pam et Stan, hein, entre Pam et Stan il y a la petite éperluette là, éperluette. Pam et Stan, ou alors le compte personnel duo Pam Stan, voilà, sur lequel vous pouvez nous retrouver. Visionner quelques vidéos, quelques photos, et de temps en temps, ça nous arrive aussi de mettre notre agenda. Donc, pour les personnes qui veulent nous suivre et rentrer en contact avec nous, c'est voilà, essentiellement par Facebook. D'accord. Et aller visionner également notre clip vidéo Swinga. Réalisé par Antoine. Réalisé par Antoine, voilà. Exactement. Voilà. Eh bien, Pam et Stan, un grand merci à vous. Hein. Bon courage pour la suite des dates, parce qu'il y a des petites dates à poursuivre. Et puis, dès qu'il y a de la nouveauté et l'album, on l'attend avec impatience pour le diffuser, alors. On vous transmet ça dès que possible, Sébastien. Ouais. Il n'y a aucun problème. Et puis, prochain coup, change le peignoir. Hein. Rouge avec le pyjama blanc et noir, ça va pas très bien ensemble. Ah, c'est décalé, hein. Ah oui. C'est moi, complètement décalé. Hein. Très original, le clip, ouais. C'est les têtes qu'on a le matin, en fait. Hein. Nous, on est naturel, hein, tu sais. Voilà. On s'est dit, on va montrer nos vrais visages. Simplement. Donc c'est ça, c'est nos vrais visages ce matin. T'as vu, c'est pas terrible. Ah ouais. Heureusement qu'il y a la magie après qui opère et que le fisson est très doué en vidéo. Il a su rattraper le coup, t'as vu. Hein. Il est hyper doué dans les montages. Il y a une histoire dans ce clip. Hein. Il y a une histoire. C'est que voilà, on est le matin. Je sais pas si vous avez vu au début, il y a des photos derrière. Oui. Ce clip, c'est une histoire. On est là, on est dans le canapé, on boit notre café. Derrière, on a des posters avec Claude François, France Gall, parce qu'on est fan. Et même si ça peut paraître un peu ringard, mais bon, comme non. Je dirais, quand j'étais chanteur, il y a que les ringards qui durent. Et si vous voulez, après, d'un seul coup, on se voit à la télé, on est basculé dedans, on rêve en fait. Voilà, on rêve, d'accord. On est dans ça, on est basculé dans la télé, on se voit à la télé. Voilà, il y a une petite histoire sur ce clip, quand on le regarde bien avec attention. Voilà. C'est notre histoire, encore une fois, c'est notre histoire, c'est nos rêves. Nous, on est des rêveurs, hein, voilà, pour tout vous dire. Vaut mieux rêver sa vie que vivre ses rêves. Non, vaut mieux vivre ses rêves que rêver sa vie, pardon. Voilà. On s'est couché tard. Oui, parce que hier, on était encore en concert. Hein, donc, on est encore au café d'ailleurs. On est vraiment des rêveurs. On se dit, ben tiens, pourquoi pas rêver, essayer de rêver toute sa vie. Malgré tout, on a tout de même les pieds sur terre. Hein. Faut pas non plus. C'est le dit-on, fait que le rêve dévore votre vie pour ne pas que votre vie dévore tous vos rêves. Exactement. Voilà. Bravo. C'est super. Eh bien, grand merci, Pam et Stan, avec donc toi et moi. Eh bien, justement, toi et moi, tiens, on va s'écouter pour finir ensemble. Extrait donc de votre album, Toi et moi, Pam et Stan. Un grand merci. Et puis, très très bientôt alors pour la suite. Merci à vous. Merci Seb. Merci infiniment à toute l'équipe d'Arc-en-Ciel, voilà, de nous avoir reçus en interview ce matin. Ça a été un plaisir pour nous. Ça nous merci a fait beaucoup. Plaisir à tous. Et peut-être à bientôt dans votre région, hein, pourquoi pas aller. Ah bah ça serait bien, super. Ah oui, on serait heureux de vous rencontrer. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Je suis sous toi et moi, seuls dans la pêche, on goûta à l'infini. Il y a toi et moi, seuls dans la pêche. Oh, oh, oh, oh, oh. Il y a toi et moi, seuls dans la pêche, on goûta à l'infini. Il y a toi. En harmonie, la FM en...